Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal en langue française et dont voici les titres. Le forum régional est tenu à Bujumbura avait pour but d'échanger sur la promotion de l'agenda paix, sécurité et coopération économique. Au marché d'Okinawa s'observe un manque criant d'eau potable en cette période où l'on parle de l'épidémie de la variole du singe. Et à Bururi, les caféculteurs demandent la hausse du prix de café cerise car ils dépensent beaucoup. Voilà pour les titres. Albert Douayo assure la mise en onde de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mettre en place le test ADN et les moyens conséquents sur certaines recommandations émises par le Forum régional des femmes tenues à Bujumbura. C'était dans le but d'échanger sur la promotion de l'agenda paix, la sécurité, la coopération économique, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Les précisions avec Christian Savi. Des femmes des régions des Grands Lacs, surtout celles de l'est de la République démocratique du Congo, continuent à subir des violences. Situation de plus en plus préoccupante, d'après l'honorable Jean-Vierne Ndirahisha, directeur régional d'un centre de formation de prévention et de suppression des violences sexuelles basées sur le genre dans la région des pays des Grands Lacs. Un centre basé à Kampala, sous tutelle du secrétariat exécutif de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, basé à Bujumbura. Elle tire la sonnette d'alarme. Je demanderai au chef d'État, au gouvernement, de tout faire pour que la RDC en particulier, mais en général la région des Grands Lacs puisse retrouver la paix. Parce que s'il y a la paix, les violences sont réduites. Analyser les causes profondes. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre chaque fois? Pourquoi est-ce qu'il y a les bandits armés? Et à ce moment-là, il y a lieu de réduire les violences sexuelles basées sur le genre. Je demande aussi aux différents pays de mettre sur pied les chambres spéciales pour les violences sexuelles basées sur le genre. Je demanderai aussi aux chefs d'État, surtout qui ont ratifié la déclaration de Kampala, de revoir cette déclaration de Kampala, l'évaluer et voir où on en est. C'est une déclaration qui a été signée en 2011. Mais aussi mobiliser les fonds. Il ne faut pas surtout compter aux partenaires techniques et financiers. Il faut que les pays puissent trouver solution à leurs problèmes par eux-mêmes. Je demanderai maintenant aux hommes vraiment de penser à la protection des filles et des femmes. Ce sont vos sœurs, ce sont vos mamans, pour que finalement on puisse bénéficier de nos droits au même pied d'égalité. À la fin du forum, sont sorties des recommandations des responsables des pays de la CIRGL qui comprend une douzaine d'États membres. L'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République du Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Merci à Christian Xavier. Les violences basées sur le genre faites aux hommes se multiplient dans les communes Kayanza et Muruta de la province Kayanza. Annoncé de Boniface Ndoui Mana, représentant de l'association Hommes en détresse, qui donne un exemple d'un homme de la colline Yanza qui a été battu par sa femme et qui allait même le couper une de ses oreilles. L'ivresse chez certains de ces hommes qui fait qu'ils n'accomplissent pas convenablement les responsabilités du chef de ménage est l'une des causes de ces violences. D'après Godefroy, Nyo Nizig, administrateur communal Kayanza, il appelle les couples mariés à saisir les instances habilitées en cas de conflit au lieu de faire recours à la justice populaire. Patrick Sengyoum. Les violences basées sur le genre faites aux hommes dans certaines des communes de la province Kayanza comme Kayanza et Muruta sont confirmées par Boniface Ndouimana, représentant de l'association Hommes en détresse, une association qui milite pour la défense des droits des hommes. Il donne certains des exemples récents de ces violences dans ce mois d'août, notamment le cas d'un homme battu par sa femme au centre Lango de la commune Muruta et que c'est le victime même qui a été arrêté et incarcéré. L'exemple d'un homme tué et son corps pendu quelque part dans la forêt, et le cas d'un homme victime de violences basées sur le genre faites aux hommes, qui a été coupé une partie de son oreille quand sa femme voulait le décapiter de sa tête, indique Boniface Ndouimana. Ce représentant de l'association Hommes en détresse fait savoir que ce ne sont pas les hommes de la province Kayanza, celles qui sont victimes de violences basées sur le genre faites aux hommes, arguant que même les hommes des autres provinces du pays comme Makamba, Muyinga et Kirundo continuent à tirer la sonnette d'alarme semaines qu'ils subissent beaucoup de menaces dans leur ménage de la part de leurs femmes. L'ivresse chez les hommes et les femmes mariées se présente comme l'une des causes les plus importantes des conflits conjugaux dans les ménages, d'après Boniface Ndouimana. Même propos avec Godefroy Nyonizigiye, administrateur communal Kayanza, qui fait savoir que surtout les hommes mariés qui consomment les boissons très alcoolisées fabriquées localement se dérobent à leurs responsabilités et souvent battus dans leur ménage par leurs femmes. Toutefois, Godefroy Nyonizigiye, administrateur communal Kayanza, conseille les couples mariés à couper court avec cette pratique de la violence en cas de conflit conjugaux, mais plutôt de saisir les institutions de parrain et marraine et l'administration chaque fois de besoin. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiumva. Le sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique 2024 se tiendra à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Le manque d'eau potable parle de lui-même au marché de Kinama et de Bujumbura, déplore ceux qui exercent les activités, les commerçants et les clients disent être préoccupés de ce manque dans ce marché fréquenté par les gens provenant des différents coins de la mairie de Bujumbura en cette période où l'on parle des épidémies dont la variole et du singe. De même que le commissaire du saut marché, ceux qui fréquentent ce lieu public demandent aux autorités habilitées de servir ce marché en eau potable. Le point avec Lydie Gahimbar. Le marché de Kinama compte 12 entrées au total, dont 6 principales. Aucune de ces entrées n'est en disposition d'eau potable, facilitant l'hygiène chez ceux qui fréquentent ce marché. À l'intérieur de ce marché, on y aperçoit des tanks non alimentés en eau potable. Les robinets mis en place à sec il y a environ 7 mois ont été fermés puisqu'ils se heurtaient à des vols, déplorent ceux qui fréquentent ce marché. Ils disent avoir peur d'attraper les maladies demensales, en l'occurrence la variole du singe. Le grand problème auquel nous faisons face dans ce marché de Kinama, c'est le manque d'eau potable. Nous avons peur d'attraper les maladies récemment déclarées. Nous achetons l'eau que nous utilisons ensemble. La petite bouteille de 600 ml, nous utilisons à peu près 5 bouteilles par jour. C'est difficile alors de se protéger contre les maladies de l'insecte. Le marché a été inauguré possédant 3 robinets publics, mais aujourd'hui, aucun de ces robinets ne fonctionne. Or, le marché est très fréquent. Nous ne sommes pas capables de nous protéger à l'absence de l'eau. Manque criant d'eau potable au marché de Kinama préoccupe également Kaunda Idi, le commissaire de ce marché, qui tranquillise néanmoins qu'une requête a été adressée à la représentation de la mairie de Bujumbura demandant que ce marché soit alimenté en eau potable. Nous en avons 3 IAD qui fonctionnent. Des robinets publics ne fonctionnent pas depuis que je suis ici. Il y a plus de 7 mois, nous avions écrit au maire de la ville, nous attendons la réponse. Ils nous amenaient de l'eau en provenance dans les quartiers. Nous payons ça à 200 francs, 100 francs, ça dépend. Le marché de Kinama est un carrefour de commerçants et leurs clients provenant de différents coins de la mairie de Bujumbura. Isanganiro. Radio Isanganiro, le journal continue. Page agriculture. Les caféiers de la zone Gassanda, en commune province de Bururi, demandent que le prix du café cerise soit revu à la hausse. Ils demandent que ce prix passe de 1380 à au moins 4000 francs burundais, car les dépenses enregistrées dans les travaux d'entretien de cette culture sont énormes. Cette demande a été formulée ce vendredi sur la colline Kiganda de cette zone, où le gouverneur de cette province a procédé au lancement de la campagne de paillage et taille de café. Le colonel Onidas Sebande Zamaso a appelé ses agriculteurs à entretenir le café qui apporte des devises au pays. Zeno Nzambiman. Certains des caféiculteurs de la zone Gassanda en commune et province de Bururi ont déjà commencé les travaux de paillage de leurs caféiers, mais ils grognent qu'ils dépensent énormément dans les travaux d'entretien des caféiers, comme le sarclage, le paillage et d'autres, alors que le prix du café reste toujours très bas par rapport au prix du manioc, du haricot et des autres cultures. Ces agriculteurs demandent que le prix du café cerise soit revu à la hausse et passe de 1380 à au moins 4000 ou 5000 francs burundais le kilogramme. Cette demande a été formulée ce vendredi. C'était sur la colline Kiganda de la zone Gassanda en commune province de Buruli, juste après le discours du gouverneur de cette province qui procédait au lancement de la campagne de paillage et taille des caféiers 2024 à Buruli. Colonel Dasiban Desamaso a appelé les agriculteurs à cultiver et entretenir cette culture qui apporte des devises au pays. Il demande aux techniciens agronomes d'assurer convenablement l'encadrement des caféiculteurs. Depuis Buruli, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Nzambimana. Ils sont toujours dans le domaine de l'agriculture. Les caféiculteurs qui ont vendu le café qui a une valeur de plus de 3 millions de francs burundais disent ne pas être payés, comme ceux qui ont vendu leur café à moins de 3 millions. Les députés ont voulu savoir pourquoi ce deux poids, deux mesures de la part de l'Office pour le développement du café. Répondant aux questions aux orales et à la Chambre basse du Parlement jeudi dernier, le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodiko, ayant expliqué que l'ODK est en train d'enquêter sur la catégorie des caféiculteurs pour savoir d'où ils ont tiré cette production d'une valeur de plus de 3 millions. Le point avec Evariste Nzikobanyang. En ce moment où l'Office pour le développement du café, ODK en sigle, est en pleine campagne de payer les caféiculteurs, il y a certains qui rentrent main bredouille. Ces derniers étant ceux qui ont vendu la quantité qui a une valeur de 3 millions de francs burundais et plus. Les élus du peuple se demandent pourquoi ces deux poids, deux mesures. Le député Jean-Chimi Limana est parmi ceux-là qui s'interrogent. La population nous pose toujours la question de savoir pourquoi ceux qui ont vendu le café qui coûte 3 millions n'ont pas été payés. Comme vous êtes venus ici à l'Assemblée nationale, nous profitons de cette occasion pour vous demander de donner des éclaircissements à cette préoccupation. Répondant aux questions orales à l'Assemblée nationale jeudi dernier, le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodiko, n'a pas passé par quatre chemins pour répondre à cette préoccupation. Il explique que suite aux fraudes qui s'observent dans la filière café ces derniers temps, il s'est avéré nécessaire de mener des enquêtes à ceux qui réclament 3 millions et plus pour savoir d'où ils ont tiré cette production. Nous avons décidé que le café soit acheminé vers les stations de lavage et là où il n'y a pas ces stations, nous avons créé des centres de collecte officiels, mais nous avons été étonnés par le fait que d'autres centres ont été créés pour collecter le café. Ce qui nous a été difficile de savoir la quantité de ce café. Maintenant que nous sommes en pleine campagne de paiement, nous devrons savoir qui nous sommes en train de payer. Si nous trouvons sur la liste quelqu'un qui a vendu pour 3 millions, nous devons savoir d'où il a tiré cette production. Il y a une commission qui est en train de suivre de près pour savoir si le café qui était vendu frauduleusement hors des frontières ne passait pas dans les mains de certains fraudeurs. Nous demandons aux caféiculteurs concernés d'user de leur patience. Le ministre Dodiko a profité de cette occasion pour tranquilliser les caféiculteurs qui réclament toujours la revue à la hausse du prix du kilo du café que le gouvernement est en train de chercher le marché qui offre un prix satisfaisant. Merci à Valestin Diko Banyanga pour finir ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais juste après, vous aurez droit à la revue de presse. Bonne suite de notre programme. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Une épidémie de choléra frappe Gikungu rural, faute d'eau potable, alerte le journal Iwachu, qui a constaté que dans le quartier rural de Gikungu, situé dans la zone de Gihosha, en commune de Nahangwa de la mairie de Bujumbura, une crise sanitaire liée au choléra sévit, notamment dans la localité de Gachacha. Cette épidémie est directement attribuable à la grave pénurie d'eau potable dans ce quartier, explique son confrère. Le conseiller culinaire de Gikongo Rural tire la sonnette d'alarme dans les colonnes de cet hebdomadaire en confirmant que 9 personnes, dont 3 enfants, ont déjà été touchées par le choléra, regrettant dans le même temps que malgré l'urgence de la situation, aucune intervention significative des autorités n'a été observée jusqu'à présent. L'irrigation, système culturel à la une, constate l'agence burundaise de presse à Karusi. D'après ce journal, la population de la colline Nkoronko, en commune Buhiga, a bien compris l'importance de faire valoir l'eau des marais, surtout pendant la saison sèche, et selon Spécia Biarimana, agronome communal, qui a effectué une visite d'évaluation mercredi 14 août 2024. Et le directeur du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Karusi, Jean-Séverin Sinzobatohana, a de préciser, toujours dans les colonnes de l'ABP, que bon nombre de cultivateurs, particulièrement ceux des collines Gassivia, Gassegni, Rudaraza, Nkoronko et autres, savent déjà profiter du système d'irrigation, ajoutant que sur la colline Nkoronko, les champs d'aubergines à la moisson et d'autres en germination, ceux des oignons à étapes de croissance différentes, comme ceux de maïs, petits pois et canne à sucre, décorent la colline. Revue de la presse. La pression s'accentue pour que les réfugiés burundais rentrent volontairement, titre Net Press. D'après la maire du district de Kibondo, où se trouve le camp des réfugiés burundais de Nduta, cité par ce journal, les autorités tanzaniennes envisagent de transformer le camp de Nduta en un camp de sapeurs-pompiers et que ces derniers sont prêts à déménager vers ce camp en décembre prochain. Cette déclaration a été naturellement mal accueillie par les réfugiés qui indiquent que la maire de Kibondo, Agrey Magwaza, a rencontré les responsables des localités voisines du camp d'Onduta pour leur parler de ce plan. C'était le 18 août dernier, précise Net Press. Ce quotidien en ligne rappelle que les gouvernements burundais, tanzaniens et l'OACR sont tombés d'accord que tous les réfugiés burundais doivent être rapatriés avant la fin de cette année. Sur un tout autre registre, le journal Net Press rapporte que 2 pêcheurs sont morts dévorés par un hippopotame l'après-midi de ce jeudi dans le lac Tanganyika, à la hauteur de la colline de Gatete en commune de Rumonge. Selon des sources administratives citées par son confrère, un hippopotame qui avait mis bas a détruit complètement la pirogue avant de blesser grièvement ces 2 pêcheurs et les recherches pour retrouver le corps d'un de ces 2 pêcheurs se poursuivent. On termine cette revue de presse avec Burundi Echo qui rapporte que les autochtones du site Nyarurambi en commune et province Tchankouzo sont dans les maisons en tôle mais non fermées, précisant qu'il s'agit des populations batois ayant bénéficié des maisons en tôle pour abandonner leurs maisons inappropriées. Cependant, ils expliquent dans les colonnes de son confrère qu'ils sont dans l'incapacité d'acheter les portes pour leurs maisons d'habitation et demande une assistance. De son côté, Pierre Clavel Nakumuryango, chef de cabinet du gouverneur de Tchankouzo, déclare que la province de Tchankouzo n'est pas prête à fournir les portes à ces ménages des autochtones de ce site, faute de moyens. Toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, il rappelle que c'est la province qui s'est chargée de la fabrication des briques et de la construction des murs, tandis que le ministère chargé de la solidarité a donné les tôles. Ainsi, il appelle ses habitants de ce site à s'arranger pour trouver les portes de leur maison d'habitation. Ce cadre de la province Tchankouzo souligne qu'à part les portes, ces ménages ne possèdent pas non plus de toilettes. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduwimana. À la prochaine. Revue de la presse.